And now, still on the subject of time, here are some announcements. You won't know all the words, but listen carefully for the times. Il y a un bus pour le centre-ville tous les jours à 10h14. Bonjour, il est presque 8h moins le quart et la circulation en ce moment est dense sur Paris. Nous avons donc des embouteillages dans les principaux... Samedi soir, il y a deux séances, à 18h05 et à 20h40. Il y a aussi une séance supplémentaire à 23h20. Dimanche soir, il y a trois séances... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Il est 19h exactement. Nous commençons maintenant avec une histoire fantastique. Le train de 7h20 est un TGV. Il arrive à 10h30. Le deuxième arrive à 11h50. Radio Classique, il est 1h45.